Le destin du peuple québécois? Étant donné que je veux parler de l'avenir du Québec dans les prochaines minutes en relation avec son destin, la petite mise en garde que je fais, c'est que l'important, c'est de ne pas croire ce qui est dit, mais plutôt de regarder si ça vibre ou non là, par rapport à ce que vous ressentez puis vous captez là, par rapport au Québec. Donc, étant donné que le futur bouge, tout est en mouvement, mais là, je vous parle là, de ce que je ressens là, pour les prochaines années. Bonne écoute. Dans un premier temps, eh bien, je veux souhaiter une belle fête nationale à tous les Québécoises et Québécois qui écouteront cet enregistrement en particulier. Donc, je vous salue et je salue également les gens d'un peu partout dans le monde qui écoutent présentement cet enregistrement. Donc, c'est sûr qu'étant Québécois moi-même, en vivant dans cette belle province du Canada, eh bien, je me suis intéressé aujourd'hui au destin du peuple québécois dont je fais partie, qui est particulier. En fait, le peuple québécois a été marqué et sélectionné par les entités du plan mental pour être un peuple où va jaillir une conscience nouvelle qui va amener une psychologie nouvelle, qui va amener un rayonnement d'énergie nouveau, qui va avoir un impact sur l'ensemble de l'humanité par la suite. Donc, pourquoi que la conscience nouvelle a été déterminée pour le Québec? Pour plusieurs facteurs. Premièrement, le Québec est un peuple qui, dans le fond, a peu d'histoire. Donc, c'est sûr que c'est un peuple qui est récent. Donc, un peu à l'image d'un jeune enfant, bien, il va être plus réceptif à des idées nouvelles que, par exemple, un peuple qui a beaucoup de mémoire. Parce que les mémoires vont faire quoi? Vont s'opposer, peuvent amener des résistances par rapport aux idées nouvelles. Parce que pour qu'il y ait une idée nouvelle qui entre, eh bien, il faut que la personne se déloge d'idées anciennes. Mais s'il n'y a pas d'idées anciennes, puis on en voit ici dans la psyché, parce que la pensée vient d'ailleurs, massivement au sein d'individus résidant au Québec des idées nouvelles, ben, il y aura peu ou pas de résistance à ces dernières, ce qui fait que les changements vont pouvoir s'opérer beaucoup plus rapidement qu'au sein d'un peuple qui présente une très grande histoire avec des mémoires très lourdes s'échelonnant sur plusieurs millénaires qui peuvent faire interférence à la descente et à l'intégration d'une énergie nouvelle. Ensuite, le Québec a été sélectionné au niveau du plan mental parce que c'est un peuple qui réside sur un territoire qui est vaste, présentant de grandes réserves d'eau potable, chose non négligeable dans une période de l'humanité où on est appelé à connaître des changements climatiques, des problèmes de pollution, puis en même temps, le territoire est vaste. Donc, c'est sûr que éventuellement, dans le destin du Québec, il est marqué comme étant un lieu qui accueillera des gens d'un peu partout dans le monde qui vont venir y vivre. Donc, il y a des gens qui vont s'exiler pour venir vivre au Québec, étant interpellés par sa vibration. Et le rayonnement de l'énergie du Québec, présentement, se fait pas d'une manière ouverte, c'est-à-dire à l'international, on entend presque peu ou pas parler du Québec. Donc, c'est pas un peuple présentement qui a beaucoup de visibilité, comme par exemple les Américains ou des peuples impliqués dans des conflits mondiaux où on va entendre parler régulièrement. Par contre, le fait qu'on n'en parle pas ne veut pas dire qu'il se passe rien au Québec. Parce que présentement, les choses se passent d'une manière subtile. Et c'est sûr que c'est à travers cette subtilité, le fait que c'est occulté à la masse mondiale, qu'il y a des gens présentement ici, tout d'abord à une échelle individuelle, qui vivent des transmutations énergétiques extrêmement importantes. Parce que c'est un lieu initiatique, le Québec. C'est un lieu où commence une conscience nouvelle et cette implantation énergétique a débuté il y a quelques décennies avec l'instruction supramentale qui a été diffusée ici par Bernard de Montréal. Ensuite, il y en a eu d'autres. Il y a eu notamment Daniel Ménard, il y a eu aussi des gens comme Daniel Kemp, et puis il va en avoir d'autres aussi dans l'avenir, parce que c'est ici le lieu de départ de l'implantation d'une conscience nouvelle pour différentes raisons. Et c'est sûr que cette conscience-là, avec les nouvelles technologies, comme Internet, va se diffuser à l'international. C'est sûr que présentement, il y a des gens, entre autres en France, parlant la même langue que nous au Québec, qui se sentent interpellés de plus en plus par cette conscience-là. Puis éventuellement, ben ça sera cette conscience-là qui sera véhiculée aux États-Unis. Ça va être véhiculé un peu partout dans le monde. Mais le foyer de rayonnement, le noyau qui se constitue et qui est déjà présent ici au Québec, la structure énergétique, le réservoir d'énergie supramentale, se trouve ici. Donc, il va en avoir d'autres aussi dans le monde, là. Éventuellement, ça va être un phénomène mondial et l'astral va reculer par rapport à l'énergie supramentale qui va prendre le pas. Et à partir de ce mouvement, ben c'est sûr qu'il y aura éventuellement une gestion avec des gens qui auront intégré la conscience supramentale et une suffisante maturité psychique pour gérer la destinée des nations. Mais avant d'en venir là, les gens doivent apprendre à se gérer eux-mêmes. Donc, autrement dit, les gens doivent être maîtres dans leur psyché. Il y a un adage qui avait été prononcé aux élections du Québec, « Maître chez nous », donc par Jean Lesage. Et c'est sûr que ça, c'est un mouvement collectif où il y avait une visée derrière ça d'une autonomie plus grande du Québec. Mais c'est sûr que l'autonomie, c'est un élément extrêmement important. Le Québec est un peuple distinct des autres. Il y a eu des démarches qui ont été faites en ce sens pour en faire reconnaître sa singularité. Et c'est sûr que plus que le temps va passer, puis plus que les changements qui s'opèrent au Québec vont être de plus apparents, et la beauté de la chose, c'est que présentement, alors qu'on entend peu ou pas parler du Québec à l'international, les changements s'opèrent. Et lorsque on en viendra à entendre parler à l'international de la conscience supramentale qui est diffusée à partir du Québec, eh bien, il y aura un seuil qui sera atteint critique où les changements ne pourront pas être contrecarrés par des forces adverses. Autrement dit, lorsque le changement qui s'opère présentement d'une manière occulte, d'une manière voilée, au sein de quelques Québécois va être manifeste, va être connu internationalement, eh bien, à ce moment-là, précisément, il va être trop tard pour les forces adverses de contrecarrer le mouvement. Ce qui veut dire que lorsque la conscience supramentale va rayonner, elle va être suffisamment forte pour faire face à l'adversité de d'autres peuples ou civilisations qui pourraient être hostiles à ce rayonnement d'énergie, qui va aller à l'encontre, par exemple, d'éléments associés à des mémoires anciennes, des rituels, des dogmes, des croyances. Et c'est sûr que la particularité du Québec, tranquillement, ça prend forme. Il y a notamment le fait que les Québécois, à travers le phénomène de la Révolution tranquille, ont délaissé massivement la religion. Les églises se sont vidées en à peine quelques décennies. Ensuite, il y a eu une loi qui a été votée ici en 2015, comme de quoi que les animaux étaient considérés comme étant des êtres dotés de sensibilité. Il y a eu la loi aussi contre l'harcèlement au travail. Il y a aussi des mesures gouvernementales qui ont été prises pour l'égalité homme-femme, l'égalité notamment salariale. Et tout récemment, il y a eu la loi 21 qui a été adoptée à quelques jours à peine avant la fête du Québec. Ça doit être souligné parce que dans ce mois de juin de l'année 2019, eh bien, cette loi a été votée concernant les signes religieux. C'est-à-dire que les gens en position d'autorité, que ce soit un juge, un policier, un enseignant, eh bien, n'a pas le droit de porter des signes religieux ostentatoires, donc qui sont visibles, affichés, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Donc, autrement dit, la loi 21 fait en sorte que les services publics soient laïcs. Et ça amène encore à attirer l'attention sur la particularité du Québec qui prend rapidement sa distance de la religion. Parce qu'il faut comprendre là, qu'ici au Québec, la religion contrôlait la vie des individus il y a à peine quelques décennies. Autrefois, les dirigeants politiques marchaient main dans la main avec le clergé. Le clergé a eu un impact sur certaines politiques québécoises. Et là, tranquillement, en à peine quelques décennies, le changement s'opère et les gens prennent distance par rapport à la religion et c'est pas fini. Parce que dans le destin du Québec, c'est appelé à être un peuple laïque, c'est-à-dire qui fonctionne au-delà de la religion et de son influence et qui va favoriser le respect des libertés individuelles, la liberté de la femme en particulier. Donc, c'est un peuple qui va valoriser l'égalité homme-femme, le respect de l'enfant, le respect des adultes, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que ce qu'il faut comprendre aussi par rapport au Québec, c'est que la plus grande ressource du Québec, c'est pas les pâtes et papiers, c'est pas l'aluminium, c'est pas non plus l'hydroélectricité, bien qu'on soit reconnu à l'international pour les barrages hydroélectriques qu'il y a ici. Non. La plus grande ressource du Québec, c'est la vibration supramentale qui est en train de prendre émergence ici. C'est au-delà des ressources matérielles et physiques qui sont des formes. C'est la vibration qui est au-delà de ça, qui va être générée par, au début, une poignée d'individus, mais éventuellement, il y aura une masse critique qui rayonnera à l'international et qui participera à la reconfiguration de l'échiquier mondial et éventuellement de l'administration de la Terre. Ça fait partie du destin du Québec, parce que les gens qui ont une psychologie nouvelle, qui pourront réajuster les déséquilibres issus de l'involution, eh bien, ces gens-là, il y en a qui vont naître au Québec, puis il y en a qui vont émigrer au Québec. Et puis, éventuellement, il y aura une masse critique qui va amener des changements au sein de la politique québécoise, mais éventuellement, ces changements vont avoir un impact à l'échelle internationale. Donc, des grandes organisations, si on pense notamment à l'ONU, sera influencée par la mentalité. C'est pas une mentalité, c'est par la vibration des Québécois. Voyez, la parole se réajuste. Puis ainsi de suite. Il va y avoir une contagion vibratoire qui va se répandre à l'échelle de l'humanité, dont la souche virulente du virus de la conscience nouvelle va avoir pris racine ici. Donc, l'une des souches plus virulentes de la conscience nouvelle va venir du Québec pour contaminer dans une vibration nouvelle des gens un peu partout dans le monde, mais dans le sens créatif. Ce n'est pas une contamination qui va amener de la destruction ou qui va amener l'enlisement dans des formes rétrogrades. Non. Ça va être les gens qui vont absorber une vibration nouvelle, qui vont reconfigurer leur psyché, reconfigurer leur comportement, modifier aussi leurs paroles. Et c'est sûr que l'égrégore, la structure énergétique, eh bien, est ici. Puis en relation avec ça, ben, c'est sûr qu'à partir d'ici, du Québec, il y aura des activités, il y aura des conférences, il y aura des gens qui parlent. Et surtout, à ne pas négliger, il y a des gens qui vont s'adresser à l'ensemble de la Terre à partir d'Internet. Donc, il y a des gens un peu partout, puis c'est déjà commencé en France, qui commencent à s'intéresser au supramental. Puis il y en aura dans différents pays, que ce soit en Afrique francophone, mais éventuellement, ça va dépasser la barrière des langues. Puis éventuellement, la vibration supramentale et l'instruction qui s'y rapporte sera traduite, que ce soit en espagnol, en anglais, en allemand, les principales langues. Puis ça va se répandre. Mais ça va commencer à être reçu par les pays les plus individualistes dans le monde, pour ensuite aller joindre des pays plus collectifs. Si on pense, par exemple, à la Chine, qui est un pays communiste, donc qui accorde de l'importance à la dimension collective. Tandis que des peuples plus individualistes, si on pense aux États-Unis, à la France, vont être interpellés avant la Chine et d'autres pays asiatiques par la vibration supramentale parce que ce qui est favorable à son éclosion et à son intégration, c'est la possibilité de vivre l'individualité, la singularité. Donc, c'est sûr que ce qui est particulier de la conscience supramentale, c'est que c'est une conscience individuelle qui va se véhiculer par rapport au collectif, mais pas dans un mouvement de foule, mais dans un mouvement individuel, dans le sens que c'est une conscience qui va interpeller des gens un à un, puis éventuellement, ben, ça va faire un groupe, puis éventuellement, ça va faire des peuples, et ainsi de suite. Mais c'est un à un que ça se passe, ce qui fait que ça va être long. Mais chaque chose en son temps. Sinon, par rapport au Québec, ben, l'évolution, on la voit par rapport à certains changements de vocable. Autrefois, la fête des Québécois s'appelait la Saint-Jean-Baptiste, à l'honneur de Saint-Jean, donc ça avait une connotation associée à la religion catholique. Puis là, on appelle ça la fête nationale. Donc ça l'a changé, et c'est sûr qu'il va y avoir un détachement par rapport aux formes religieuses qui va s'opérer et s'accélérer au fil des prochaines décennies, dans le sens que la laïcité de l'État va mettre de la pression pour que les noms de rue, les noms d'édifices publics, n'aient plus de connotation religieuse. Donc, c'est sûr que quand j'étais jeune, je vivais à Québec et j'allais à l'hôpital L'Enfant Jésus. Donc, c'est associé à la religion catholique. Et on aura d'autres noms qui viendront remplacer les noms anciens. Sinon, pour ce qui est de la beauté du Québec, ben c'est parce que c'est une terre où la femme est très respectée. La femme, c'est sûr qu'il peut y avoir encore du progrès à faire par rapport à certains éléments de la vie en société de la femme, mais c'est un des endroits où la femme bénéficie de droits, d'opportunités de développement aussi, de prendre sa place sur le marché du travail, qui ne sont pas nécessairement présentes en termes de conditions sociales au sein d'autres peuples. Donc, c'est un lieu où la femme est privilégiée. Et l'une des caractéristiques du Québec, c'est d'incarner le principe de l'esprit. Si on reprend la Trinité, il y a le Père, le Fils et l'Esprit. Ça, c'est une formulation masculinoïde, patriarcale du principe. Donc, le Père, c'est masculin, le Fils, c'est masculin, et l'Esprit, c'est un vocable masculin, un mot masculin, mais LT, c'est un voile. Parce que derrière l'Esprit, c'est la femme. Donc, pour avoir un enfant, pour qu'il y ait un fils ou une fille, ça prend un père, puis ça prend une mère, puis là, ça donne place à un enfant. Donc, autrement dit, l'Esprit, c'est la dimension intériorisée, la dimension féminine, l'anima, pour en reprendre un vocable de Carl Gustav Jung, alors que le volet extériorisé, le volet masculin, le volet yang, l'animus, c'est un élément associé à l'aspect masculin, mais ici, c'est l'esprit qui va être incarné. Et ici, il y aura des êtres avec une androgynie psychique qui vont prendre de plus en plus d'ampleur, dans le sens que des hommes qui vont développer une sensibilité, qui vont être réceptifs à la présence de l'esprit, qui sont capables de la manifester, donc qui auront accès à une grande quantité d'intériorisation. Et c'est sûr que ce qui va changer avec l'avenir, ça sera la vibration supramentale qui est en relation avec le Québec, mais c'est la sensibilité des gens en relation avec des éléments traditionnellement associés au volet féminin qui fera la différence. Parce que, après tout, entre autres en Occident, pendant des millénaires, ça a été le volet masculin, le volet extériorisé qui a permis de construire des villes, des civilisations, le volet aussi expansif qui a fait en sorte que, par exemple, des gens d'Espagne ont été en Amérique, ensuite l'Angleterre qui est venue ici sur le continent nord-américain. Mais là, pour contrebalancer ça, ça sera le volet, non pas d'extériorisation, mais ça sera un principe d'intériorisation compensatoire par rapport à ça, qui s'illustre notamment dans la psychologie nouvelle, qui va rééquilibrer éventuellement les êtres au niveau international, parce que les gens qui sont très extériorisés éventuellement doivent s'intérioriser d'une manière adéquate, en proportion, pour avoir un rapport qui est juste, dans le sens de justesse entre l'intérieur et l'extérieur d'eux. Donc, autrement dit, les gens vont être plus à l'écoute de l'esprit plutôt qu'avoir simplement l'attention tournée vers les sens externes. Parce que si les personnes ont juste l'attention tournée vers des sens externes, oui, elle peut construire des beaux châteaux, de la belle technologie, mais elle va être un peu comme une coquille vide qui n'aura pas connu un contact interne avec l'esprit qui va lui permettre de s'ajuster à une vibration nouvelle et de s'harmoniser avec les plans de la lumière. Parce que c'est à travers l'intériorisation qu'il y aura une harmonisation psychique par rapport aux plans de la lumière. Donc, autrement dit, l'intériorisation est une nécessité évolutive pour que l'être devienne complet. Donc, pas juste tourner vers l'extérieur de lui avec le développement d'une forme physique développée comme un athlète, mais aussi avec une capacité d'intériorisation qui va faire de lui un être intégral, un être fusionné. Et c'est par rapport à des valeurs d'ouverture, de sensibilité, de créativité qui sont habituellement associées, entre autres, à la femme, que le Québec va rayonner. Ce sera l'un des plus grands lieux de l'épanouissement de la femme nouvelle. Le Québec va s'illustrer dans le domaine artistique, bien entendu, dans l'économie du savoir, dans le sens que les êtres au Québec qui développent une forte capacité d'intériorisation, de capacité d'interception psychique de l'information qui provient des plans de la lumière vont pouvoir développer des inventions, vont pouvoir développer une psychologie nouvelle, différentes choses. Et c'est sûr que tout ce qui est mécanique va être de plus en plus remplacé par des automates, des robots et l'intelligence artificielle. Donc, autrement dit, toutes les tâches répétitives qu'on peut faire en entreprise de production industrielle vont être de plus en plus remplacées par des machines. Et à ce moment-là, pour que quelqu'un puisse se démarquer dans l'économie du savoir, eh bien, il va falloir que la personne soit créative. Parce que la chose que la machine ne fait pas, c'est d'être créative. Et même les algorithmes sophistiqués de l'intelligence artificielle peuvent générer des permutations de formes, mais ne peuvent pas générer une vibration nouvelle comme celle qui va sortir de la bouche de l'individu nouveau qui va prendre racine, qui va émerger ici du Québec. Donc, la vibration de la parole ne pourra pas être générée par la machine. Quand même qu'il y ait des machines sophistiquées qui vont pouvoir générer de nouveaux motifs musicaux en échantillonnant des motifs anciens qui ont été des succès pour générer de nouveaux succès à partir d'anciens, ça ne pourra pas amener cette vibration-là. Donc, la richesse du Québec sera les gens qui auront une psychologie nouvelle et qui auront une vibration nouvelle. Donc, ça va être dans un savoir-être, le savoir-faire, la technologie, la technique. Eh bien, ça s'adresse à l'intellect. Et puis, ça a son utilité, mais de plus en plus, les fonctions intellectuelles, si on pense à celles de calcul, d'addition, soustraction, multiplication, division, sont remplacées de plus en plus par les machines. Et à ce moment-là, ben, si les machines font les tâches répétitives, les tâches physiques, les tâches intellectuelles, il faut se démarquer en faisant des choses que les machines ne font pas, c'est-à-dire de générer quelque chose d'une manière créative. Les machines ne peuvent pas être des canaux de l'esprit, alors que l'être humain peut l'être. Et c'est à partir de ce point, entre autres, que le Québec se démarquera dans son destin à l'échelle internationale comme étant l'un des peuples les plus innovateurs et rapides dans l'intégration et la manifestation de changements. Donc, c'est sûr qu'il y a des êtres nouveaux un peu partout dans le monde qui vont être interpellés par la vibration, l'effervescence créative qui va être de plus en plus présente ici et qui ont envie de se joindre à ce feu de rayonnement nouveau. Et c'est là que les synergies vont se faire et c'est là que ça va être un point de direction par rapport à la reconfiguration de l'humanité, par rapport à la transmutation de l'astral actuel et du renouvellement de l'énergie en périphérie de la Terre pour qu'elle soit transmutée, donc que l'énergie astrale soit dépouillée des formes anciennes, des charges émotionnelles résiduelles s'y rapportant, pour qu'à la place, il y ait l'énergie supramentale. Donc, la dépollution psychique va prendre place ici. Donc, le Québec est comparable un peu au poumon de la Terre au niveau psychique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vaste forêt ici, comme par exemple, on peut en retrouver une dans la forêt amazonienne. mais ça va être un travail différent. Donc, la forêt amazonienne, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils récupèrent le CO2 puis ils transmutent ça en oxygène. Mais ici, on va traiter l'énergie astrale pour la transmuter en énergie mentale. Donc, une dépollution de l'aura planétaire qui va s'opérer, entre autres, à partir du Québec. Et ce mouvement-là va s'accélérer à mesure que les événements chocs qui vont ébranler l'humanité vont se manifester et qui vont favoriser l'émergence sur Terre de la présence de nouveaux initiés qui seront confrontés à la présence en eux de l'esprit et à la nécessité rapide de s'intérioriser pour changer radicalement de mode de fonctionnement, étant donné que le mode de fonctionnement ancien qu'ils avaient ne sera plus adapté avec les changements qui vont s'opérer lors des événements de fin de cycle. Donc, il y aura des changements, entre autres, associés à ceux de nature climatique. Donc, il y a des endroits qui vont être inondés, ce qui va faire en sorte qu'il y aura une grande quantité de réfugiés qui devront immigrer au Québec. Par la suite, des changements économiques majeurs, parce que plus que les développements technologiques s'accélèrent et plus qu'il y a des technologies qui deviennent désuètes, ce qui fait en sorte qu'il y a une mutation rapide qui s'opère des formes. Et ça va amener des gens, ben c'est sûr, à se redéfinir sur le plan professionnel, changer d'emploi, et ainsi de suite. Et c'est sûr que le peuple québécois aussi va s'illustrer, que ce soit au niveau de la musique, du cinéma, là, au niveau des arts, mais plus particulièrement, bien entendu, au niveau de la métaphysique, ce qui touche à l'occulte, ce qui touche à l'invisible, ce qui touche à la compréhension du réel. En ce qui me concerne, j'ai été ému lorsque j'avais assisté au spectacle Québecissime, donc de la Bolduc à Céline Dion. C'est une revue musicale que j'ai vue et qui représente bien l'esprit du Québec, où il y avait différents musiciens qui ont été présentés sous forme d'hommage. En fait, il y avait un hommage là-dedans, c'est sûr, à la Céline Dion, Harmonium, mais sur plusieurs années. Donc, ça fait le tour des principaux musiciens québécois. Il y avait des chanteurs, des chanteuses. Puis devant ce spectacle, à un moment donné, je suis venu avec les larmes aux yeux. J'ai versé quelques larmes. Puis ça me dit intérieurement que le peuple québécois, c'est un peuple qui commence à rayonner avec sa musique, mais c'est le début, puis ça va aller plus loin. Puis c'est surtout sa vibration qui va rayonner à l'échelle internationale. Puis là, ça me parlait intérieurement, j'écoutais ça. Et j'étais dans un état de transe légère et j'étais touché par la beauté, la grandeur du peuple québécois, de son avenir. C'est sûr que personnellement, j'ai beaucoup d'amour pour le peuple québécois. Certains de mes compatriotes aussi qui connaissent à vivre la mutation psychique et des gens aussi à l'international qui sont solidaires de la vibration supramentale qui est en train de prendre émergence ici. Donc, une fraternité psychique qui s'opère, qui est en train de tisser des liens un peu partout dans le monde, mais dont le noyau principal est ici, et j'insiste là-dessus, parce que ici, ça sera un lieu de rendez-vous et de rencontre avec des gens d'un peu partout dans le monde qui vont venir ici pour goûter à la vibration du Québec. Ça sera pour assister à des conférences, des soupers-rencontres, des événements. Mais il y aura aussi simultanément des gens de d'autres planètes, en fait des êtres extraterrestres et extradimensionnels qui viendront au Québec collaborer avec des individus pour favoriser la restructuration psychique de l'ensemble de l'humanité en fonction d'une vibration nouvelle qui va amener une altération créative et apaisante par rapport au tournant évolutif et l'enlisement mémoriel que connaissent certaines civilisations. Donc, autrement dit, le peuple québécois sera porteur en son sein d'individus nouveaux qui seront générateurs d'énergie d'harmonisation psychique qui vont servir à rééquilibrer l'échiquier international et pondérer certains mouvements belliqueux, agressifs de certains êtres en réaction à l'énergie supramentale et étant extrêmement réfractaires. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a une énergie nouvelle qui descend, Bien sûr, les forces qui sont en puissance déjà là vont s'opposer à ça. Parce que, après tout, les forces astrales, qui présentement exercent un rôle extrêmement présent sur Terre, n'auront pas envie de délaisser leur gouverne, leur autorité sur les êtres humains à des êtres qui travaillent en affiliation psychique avec l'énergie supramentale pour instaurer la régence planétaire. Donc, qu'il y ait un changement de gouvernance qui s'opère. C'est sûr que le gouvernement ancien, invisible et occulte, administré par des êtres sur les plans astraux, va s'opposer avec une force, une intensité à l'émergence et la pénétration psychique d'énergie nouvelle, même si ce gouvernement sait très bien que c'est juste une question de temps avant que ça se fasse. Mais il y a des gens qui sont attachés au pouvoir puis ils veulent l'avoir le plus longtemps possible. Donc, il va y avoir des résistances au changement, mais tout ça va s'opérer. Puis c'est sûr que l'un des lieux clés par rapport à l'administration de la conscience nouvelle, bien, il va être au niveau du Québec. C'est clair qu'il y aura des gens un peu partout de là qui ont été marqués dans leur destin pourvu la fusion, qui vont se diriger par rapport à d'autres pays, puis qui peuvent donner des conseils au niveau politique et ainsi de suite, mais qui vont rayonner de leur énergie. Tranquillement, ben, le changement va s'opérer au fil du temps, tout simplement. Sinon, c'est sûr qu'en complétant cet enregistrement, je voulais quand même rendre hommage à certains Québécois qui sont des pionniers dans le domaine de l'esprit, dans le domaine de la diffusion d'une conscience nouvelle, une énergie nouvelle. Parmi eux, bien, c'est sûr qu'il y a Bernard de Montréal, qui a déversé sur le Québec pendant plusieurs années l'instruction supramentale qui l'a canalisée. Ensuite, c'est sûr qu'il y a aussi le philosophe jovialiste André Moreau, qui avec sa philosophie nouvelle prépare le terrain pour des changements. Ensuite, il y a l'ufologue québécois Jean Cazot, il y a le Doc Mayou aussi. Donc, j'ai nommé des gens dans différents secteurs, c'est-à-dire que Bernard de Montréal, eh bien, lui, c'est un destructeur supramental. Ensuite, il y a le philosophe jovialiste André Moreau, Jean Cazot, ufologue et métaphysicien. Le Doc Mayou, ben, il œuvre dans le domaine de la psychologie, c'est un psychiatre. Et tous ces gens-là, à travers leurs propos, à travers leurs manifestations publiques, favorisent l'émergence d'un Québec renouvelé après un passé religieux au niveau psychique. Donc, il y en a d'autres aussi, là. C'est sûr que c'est pas une liste exhaustive, mais mon objectif, c'était de rendre hommage aux Québécois qui, présentement, sont en train d'initier des changements de par ce qu'ils véhiculent, de par leurs vibrations, de par les idées qu'ils vont communiquer. Et c'est important de souligner ça, parce que, éventuellement, la place du Québec sera reconnue à l'échelle de l'humanité. Mais quand ça sera reconnu, c'est que le noyau qui est encore fragile présentement de gens qui goûtent une conscience supramentale va être tellement consolidé qu'il va déborder du Québec. C'est tout simplement ça. Et là, on ne pourra pas revenir en arrière. C'est un peu comme une réaction en chaîne qui est enclenchée et qui, dépassé un certain stade, devient irréversible et incontrôlable. Et quand le destin particulier du Québec sera connu à l'ensemble de l'humanité, eh bien, il sera trop tard pour certaines forces d'y faire obstacle. Fait que c'est ça la beauté des choses, puis l'intelligence que présentement, la conscience supramentale, c'est plutôt voilée ou occulte. Mais pendant ce temps-là, les gens changent, puis cheminent. Puis c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas, c'est un peu comme le phénomène extraterrestre. C'est pas parce que présentement, les médias de masse n'en parlent pas qu'il n'existe pas. Mais éventuellement, les extraterrestres qui viendront sur Terre auront à rendre des comptes à des administrateurs québécois et aussi de d'autres peuples, mais il y aura un autre noyau particulier ici qui s'occuperont d'administrer le rapport avec les êtres de d'autres planètes pour s'assurer qu'ils respectent les paramètres éthiques de la charte des êtres vivants sur Terre, dans le sens que il ne sera plus permis à des êtres extraterrestres de kidnapper, d'enlever des êtres humains à leur insu, pour procéder à des expériences génétiques. Et les êtres extraterrestres auront à rendre des comptes aux êtres qui ont vécu la fusion, étant donné que leur vibration va les mettre en position d'autorité par rapport à eux au lieu de soumission ou de fascination. Il y en aura en particulier des êtres au Québec qui s'intéresseront à l'exopolitique et à l'administration des rapports entre les êtres de la Terre et de d'autres peuples. Mais pour conclure cet enregistrement en beauté, disons que le destin du Québec est grandiose. Présentement, on le voit pas tellement, mais il y a des petites choses comme la loi 21 auxquelles je faisais allusion qui laisse transparaître ça, puis il y en aura d'autres, puis ça va se multiplier avec les années et ça va s'accélérer. Ce qui va faire que tôt ou tard, ben le côté différent, le côté divergent des Québécois par rapport aux mémoires anciennes va de plus en plus s'afficher. Puis il y aura une différence aussi qui va s'amplifier de taux vibratoire entre le Québec et d'autres peuples aussi, qui va faire que la différence va être de plus en plus présente. Mais éventuellement, il y aura un rajustement et un rehaussement du taux vibratoire de l'ensemble de l'humanité, là, bien entendu, là, au fil du temps. Une mise à jour, une mise à niveau qui s'opérera en relation avec les activités et le rayonnement énergétique de certains pionniers de la conscience qui prennent naissance ici au Québec. Pour des raisons de loi d'incarnation et de réincarnation, le rassemblement de certains esprits, donc c'est un point de rendez-vous pour construire quelque chose de nouveau. Et en terminant, bien, je redis encore une fois, bonne fête pour les gens du Québec, donc bonne fête nationale. Et puis, le meilleur pour le Québec reste à venir, puis ça va aller de mieux en mieux. Ça va quand même déjà bien au niveau économique. C'est sûr qu'il y aura éventuellement des tensions associées au changement climatique et à la reconfiguration de l'économie mondiale, mais le Québec est appelé à se dépolluer rapidement de l'énergie astrale. Fait que il va y avoir un rehaussement qui va se faire de plus en plus rapidement là, dans les prochaines années. Fait que c'est intéressant. Donc là-dessus, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.